Malgré ma souffrance incroyable, malgré mon rhume qui ne veut plus s'arrêter, malgré une fièvre intense, malgré une voix nasale sérénale. Tout a été dit. Fini de se plaindre. Proposons-nous donc 2 heures d'oubli. 2 heures de récréation, 2 heures qui seront, j'espère, pouvoir, qui pourront, j'espère, colmater nos petits tracas. Alors, monte le volume et hume la différence, car à partir de maintenant, là, c'est parti, mon kick. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Now you'll have to wait another time. Maybe you're into the puzzle. Maybe you're blowing the bubble. Maybe you're all in a muddle. The more you know, the more you know. You don't know what you know. Stones throw left to go back where the hill from there. And now and then you goof again. You never blow your trip forever. Why don't you try? Oui, attendez-moi quelques secondes. Je viens de recevoir un message. Oui, ça vient tout juste de tomber, non pas par terre, mais dans... Exactement. Un vol majeur. Oui, il... Attendez, excusez-là, parce que j'ai l'information dans l'oreillette. OK. Un vol majeur s'est produit dans un magasin à grande surface. Oui. D'accord. Il y a eu un vol de chandail. Le voleur a pris le large. Je répète, le voleur a pris le large. Sinon, vous, comment ça va? Je répète, sinon, vous, quand... Hey, l'émission, là, ça sera pas redondant comme d'hab? Comme d'hab, oh! Oh non, mais c'est quoi, ce bordel, oh! Non, mais, écoute... Non, mais quoi? C'est quel groupe que t'as fait jouer, merde? J'avais mon selfie, je le brandissais, là, le connard, et je lui disais, là, cap-moi la chanson, dis-moi le titre, balance-moi le titre! Et là, tu t'es un connard, je t'ai payé le plein prix, connard, il va me balancer le titre! Et j'avais pas l'application. Ici, non, mais ici, non, non, c'est dégueulasse, Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de partir votre cellulaire, sachez qu'il vous faut, bien sûr, l'application. Pas d'application, pas d'explication, pas de programme, pas de fonctionnement. Pas de cerveau, beau dit de bonne émission. Là, vous demandez, Rénal, mais monsieur Rénal, comment ça vous êtes dans un état pareil? C'est pas votre voix habituelle, c'est tellement beau. C'est radiophonique, on dirait que vous êtes à CKRL, la meilleure radio communautaire à Québec. Même, on va l'enlever le communautaire, la meilleure radio à Québec, hein? Comme tous les animateurs qui, malheureusement, n'ont pas souvent leur secondaire 5. Et j'ai rien contre les gens qui n'ont pas leur secondaire 5. Bien au contraire. Bien au contraire, l'école de la vie est beaucoup plus riche. Je connais un animateur que j'adore, qui était vedette, animateur vedette à Québec il n'y a pas si longtemps. Il n'avait pas fait d'études avancées. Il s'était reculé des institutions, des endroits, bien sûr, où on tente d'inculquer aux potaches quelques connaissances générales, histoire qu'il puisse, à un moment donné de sa vie, en bégayer quelques... En baver, tu sais, allons-y à la brêle, en baver quelques interstices, là, quelques gouttelettes, quelques postillons, quelques... Oui, le raffinement, c'est... Vous avez... Non, excusez-moi, j'ai tout perdu, là. J'ai perdu d'un l'accent, j'ai perdu de deux la façon que le personnage avait à s'articuler. Comme moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'articuler. Vous le savez, depuis le temps. Puis, avec le temps, pour ne pas paraphraser Jacques Brel, il m'arrive quelquefois de tomber sur des titres. Ah, puis là, j'ai plein de choses à vous raconter parce que cette semaine, ça a été très chargé et j'ai déjà commencé à décharger. Oui, on va aller là-dessus. Au niveau musical, c'est rendu qu'aujourd'hui, on peut écouter des chansons un peu n'importe comment. Sans savoir l'année. Puis, vous savez, les chansons, exemple, on va dire les Rita Mitsouko. Bon, tout le monde connaît les Rita Mitsouko, c'est pas compliqué, c'est pas Gang, le groupe Gang. Connaissez-vous le groupe Gang? G-O-N-G? Là, il y en a dans le groupe qui disent, vous vous dites que c'est Gang, Gang, Gang, il y a des belles Gang, il y a des Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, dans les années 70. Le groupe a eu beaucoup de changements, vraiment. Là, à l'intérieur, il y a eu des explosions au niveau des musiciens, au niveau des créateurs. Il y a eu la tête dirigeante de Gong qui s'est malheureusement cogné le gong. Ça fait mal. Est-ce que vous êtes cogné le gong, vous? Ah, madame ou monsieur, hein, tout le monde a un gong. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis, hein, même si vous. On va se remémorer des histoires, là. Vous courez dans un champ. Hmm? Vous entendez la police? Hey! Lâchez votre gang! Là, tu dis, voyons donc, le gang. T'es, parce que là, t'as dit, j'ai écouté ça à un moment donné, Rance Rénaldine, gang. Puis là, hein, bon, tu commences à dégénérer, tu cours comme une poule pas de tête. Et tu gagnes le premier prix. Et puis t'es meilleur que la poule pas de tête, quoique, parce que la poule n'a déjà plus de tête et toi, t'en as. Elle a diminué en courant. Le gang fait diminuer, rétrécir, pour ne pas dire, ça fait, t'sais, ça sectionne de l'intérieur. Et plus t'as un gros intérieur, plus ça sectionne. Puis moins t'en reste. C'est comme le beau raisin, un raisin, c'est bon un raisin? Tranquillement, le raisin, mais perd son jus, perd son liquide, perd sa peau. Il devient tout à tatiné. Il rentre dans lui. Il commence à sécher. Il se recroqueville. Il reste encore un raisin. Il reste un raisin, hein? Il changera pas. Il dit, je reviens pas une banane. Non, j'ai déjà été une banane. Je reviendrai pas une banane. Je vais rester un raisin. Parce qu'avant ça, il avait été changé pour une banane. Ouais, il lui croyait à l'ongle réincarné. Et il dit, c'est bien plus intéressant de vivre dans le corps d'une banane que dans un raisin, parce que le raisin, hein, à la fin, t'as plus du tout recommillé. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais faire faire? Qu'est-ce que... Oh non, je me sens mal à l'aise. Oh, que je me sens mal à l'aise, tout recroquevillé. Plus de liquide. La peau qui flétrit, ça flétrit. Oh non, j'arrête plus de flétrir. Qu'est-ce que je deviens? Un raisin sec. Oh non, un raisin sec. Quelle fin de vie abominable. Combien de temps que ça dure? On peut-tu te faire euthanasier? Non. Non, un raisin sec, ça peut pas se faire euthanasier. Mais voyons donc, tout le monde peut se faire euthanasier. Même un raisin sec. Pour ça, je voulais être une banane. Puis en plus, Philippe Catherine m'a redonné une source d'espoir avec « Lâchez-moi la bombe, laissez-moi manger ma banane. » Mais là, non, mais j'ai jamais entendu Philippe Catherine chanter « Je veux manger du raisin, m'étouffer puis crever! » Oh non! Je suis tout ratatiné. C'est ça. Le drame du raisin. Grosse semaine pour moi. Grosse semaine, j'ai les larmes aux yeux. Quand je pense à tout ça, c'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. On vend des chants, des petites idées de boudaine. On fait de la musique, on fait de la musique, on fait de la musique, on fait de la musique. Quelle semaine! Bon, on va le dire. Bon, il y a eu le vol. Le vol dans un grand magasin, magasin à grande surface. Hey, il y a, ben, exactement, c'est de la haute couture, hein? Des fringues de haute couture, le voleur a pris le large. On l'a dit. Tout le monde le rit. Bon. Deux oranges devant une porte. Une dit à l'autre, « Hey, sonne, kiss! » Bon, ensuite de ça, oui, ce que je voulais vous mentionner, c'est que j'ai eu la semaine de ma vie, on m'a obligé, les points dans le derrière dos, moi, j'ai un derrière dos. Pas de ma faute, je suis comme ça, j'ai été conçu de même, je suis pas comme à ma mère, mon père et puis les autres, parce que c'était un genre de concours. Ben. Moi, je suis né dans un genre de concours. Chacun faisait ses... Hein? C'était son tour à un moment donné, Puis il y avait un public qui était là, puis qui assistait à... au débat. C'était pas des députés, c'était des parents qui faisaient des enfants. Puis là, ils étaient là, puis ils regardaient ça. Puis OK. Après ça, c'est bon. L'autre, il y a eu fertilité, parfait, prochain couple. Bon. Fertilité, prochain couple. Bon, c'est. Puis moi, je suis né de même. C'était pas un concours, c'était plutôt un. C'était social. Il y en a qui jouent à pétanque, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui font le jeu de patience quand ils sont solitaires. Il y en a d'autres qui font des enfants en groupe, puis c'est pas des parties, rien à voir avec l'appart. Non. On n'a pas le droit de parler. On regarde. On n'a pas le droit de rien faire d'autre que de regarder. Un peu comme un film, tu sais. On est un peu honneux, mais c'est du vivant, là. C'est plus que du vivant, ils créent du vivant, ils vont mettre au monde du vivant, mais pendant que la dame, après les 9 mois, on suit pas le couple, là. On suit pas les couples qu'on a suivis, là. Mais il y en a qui filment, il y en a qui prennent des photos, il y en a qui ont des magnétos, tu sais, chacun a sa... Puis il y a le peintre de service, toujours en arrière, là, avec sa plume. Après, lui, il fait de la peinture, lui. Il recrée ça en peinture. Puis son grand style, lui, son style, sa façon de faire, sa facture ou sa signature, si vous voulez, c'est l'art, je vais vous le dire. C'est l'art abstrait. Ça fait beau, c'est. Non, ça fait beau au regard. Ça fait beau. Ça fait pas méchant. Ah non, c'est des belles couleurs. Des fois, c'est vif, hein? C'est du rouge, c'est du blanc. On sent qu'il y a une certaine violence dans le fait de procréer souvent. Surtout vers la fin, là. Tu sais, c'est rarement... Oui, ça peut être dans la sensualité, mais il faut aussi, à un moment donné, hein, comme l'émission, il faut décharger. Et puis, c'est comme ça que c'est le moment, peut-être, où les gens n'osent pas regarder, là. Il y a comme une petite... pas une gêne. Non, c'est pas de la gêne, c'est... Tu sais, oh, on va garder ça pour eux et on va se retourner l'œil, mais à peine. Il y en a au contraire, tu sais, ils se mettent la main devant le visage, mais tous les doigts écartés. On voit bien qu'ils regardent plus que avec la main sur le visage. Ça, c'est la technique, hein? Ah, du genre de oh, je veux pas voir, mais je regarde mieux, j'observe! Ouais! Il n'y a pas le droit de parler, crier non plus. Vous pouvez organiser ça, là. Hein? Je pense que c'est. La loi ne peut pas intervenir là-dessus. Ça se fait entre adultes consentants. Puis, sinon, fiévreux, malade. Ah oui, ma semaine. Ma semaine a commencé par un lundi. Moi, les lundis, je retire ça de mon vocabulaire. J'aime pas cette journée-là. Elle est, pour moi, machiavélique. Donc, lundi, on l'oublie. Mardi. Je m'en vais chez le dentiste. Je décide d'aller voir le... Non, mais j'ai dit mes occupations. Là, je fais pas d'enfant. Je n'ai pas de réunion pour assister à des procréations. Donc, on va aller voir le dentiste. Moi, on va voir le dentiste. Puis là, c'est pas n'importe quel, là. Parce que moi, avant, j'avais une jeune docteur spécialisée, bien sûr, dans le buccal. Mais elle a décidé de se retirer du buccal pour aller vers sa retraite. Et ben, elle a le droit. Tout le monde a le droit de prendre sa retraite, là. Même à 15 ans, là. Moi, ma petite fille, là, va avoir 14, puis à 15 ans, elle veut tout arrêter, là. Elle veut enfin vivre. Je la comprends. Tu sais, il y a de la pression, la société, tout ce monde-là, les parents. Moi je suis très calme, là. Moi, je suis genre gang, là. La petite, je suis presque gêné parce qu'elle a ma grandeur. Et lorsqu'on fréquente les restaurants ou les lieux publics, ben, on s'imagine que, bon, on s'imagine. Les gens s'imaginent plein de choses. Moi, je peux pas arrêter l'être humain de se faire des idées. Au contraire, si je peux leur en proposer davantage, ben, ma mission est accomplie. Et puis, mardi, j'ai décidé d'aller voir mon dentiste parce que ma dentiste... Mais, hey, attends, c'est pas n'importe quel dentiste, là. C'est le un des premiers que j'ai eu quand j'ai commencé à fréquenter ce genre d'endroit-là. Mais là, j'appelle avant. Là. Je me souviens de son nom, prénom, l'appel. Ça sonne, bon signe. Là. Ils ont le même téléphone. Ils ont encore le téléphone. Ils ont sur le téléphone, le nom d'un démon. Les dentistes ont le téléphone. J'espère au prix que ça te coûte. Là. Ils sont pas juste sur le téléphone. C'est sur le méga radar. Là. Ils sont branchés avec le Pentagone. Pentagone, le Royaume des Unis, n'importe où. Là, ils l'ont l'affaire, eux autres. Là. Ça sonne. Ça répond. C'est une dame. La Scritter. Et tu sais que c'est une scritter parce qu'elle a une façon de scritterer. Hein, il y a une scène, tu peux pas te tromper, là. T'es sûr que t'es pas dans une maison privée. Là, je demande le nom de mon... J'ai dit, j'aimerais rencontrer mon dentiste que j'ai pas vu depuis des années. Là, elle se renseigne un peu, là. Comment ça va, toi? Ben oui. T'as-tu des enfants? Ben oui. Mais comment ça va, les études? Ben là, pas très bien, là. Mon bac, ben, ils sont pas passés pour aller chercher, là. Bac bleu, bac vert, t'es encore plein. Puis ça sent, puis là, de la mouche noire. Puis, en tout cas, les affaires, là. Arrête. Secrétaire, joue ton secrétaire, là. Elle dit, vous nous appelez pour... Bon. Parce que, ben, moi, j'ai un problème au doigt, mais c'est pas vous que je dois. Mais c'est plutôt. Là, j'étais au numéro pour la bouche. Et j'ai malheureusement une prothèse dentaire. Et ça, si vous en avez pas, vous connaissez pas ça, il y a des dents qui tiennent la prothèse dentaire. Là, parce que c'est artificiel, oui, mais j'ai pas toute la bouche artificielle, moi. J'ai le cerveau artificiel, mais j'ai quatre dents en avant qui sont pas les miennes. Mes dents, les miennes. Une dent, les miennes. Qui sont pas les miennes. Mais qui sont devenues, là, tu sais, je les ai... j'allais dire bêtisier, mais je les ai baptisés. Ils ont pas de nom, là, mais ils font partie de ma bouche. Puis on est bien ensemble, là, tu sais. Une prothèse que je peux enlever, retirer. Puis là, comme elle est vieillotte, je rajoute de la colle. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Et surtout avant l'émission, c'est important. Vous savez, si vous m'écoutez, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, là, mais ça m'arrivait de commencer, ça va encore comment, hein, ça va quand même se poursuivre à un moment donné, cette erreur-là, d'oublier de placer de la colle avant de faire jouer le générique. Bon, sinon, je prends le Madame Amdi parce que je veux faire court, hein. Peut-être une pause musicale, puis on y va avec le dentiste après. Oui? Bonjour, madame! Oh, ça go! Est-ce que je suis? Qu'y a ça nous dit? Qu'en pensez-vous? Eh bien, qui est-il? Quand un papa, demande à maman, demande aux flics, demande à ma pipe, demande à mon slip, demande au bar, demande au vieux. secrétaire a pas raccroché, j'espère, Raymond. Non? Elle est encore là? OK. Fait que, hein? Je lui demande si je peux rencontrer le dentiste X. Elle me dit qu'il est en vacances, mais que son fils peut me recevoir. Je dis, hein, c'est incroyable. Le fils fait le métier de son père. Je dis, hey, j'espère qu'il est plus compétent que son père. Parce que lui, je vous dis des affaires de même parce que je dis pas son nom, là. Mon père l'avait déjà rencontré. Puis, lorsqu'il s'est fait geler la bouche, hein, avant d'arracher la dent, il lui a pris une... Non, pas une veine, en tout cas. Et depuis ce temps-là, il avait le nez qui coulait. Donc. Puis, c'est le premier à m'avoir fait aussi, comment on appelle ça, un traitement de canal. J'avais 11 ans. C'était son premier traitement de canal, j'étais son cobaye. Donc, je prends rendez-vous pour le mardi. Je le rencontre mardi. Mais ça, le rendez-vous, là, c'est fait 2 semaines avant, là. OK? Fait que je le rencontre là, à 13h, et je vois arriver son fils. Il ressemble à deux gouttes d'eau au fils de Jacques Dutronc. Deux gouttes d'eau. Puis c'est tellement vrai que quand je vais le revoir, là, je vais vous raconter vite là, ce qui s'est passé, je vais lui amener une photo. Pour lui dire, hey, regardez, monsieur, à qui vous ressemblez. Et donc, je le rencontre. Et là, je lui dis que, bon, j'ai une prothèse dentaire et je sens que la dent qui tient la prothèse est en train de s'égrener. Elle rend l'âme tranquillement. Alors, il vérifie, il dit, oui, mais c'est pas ça la problématique. J'ai, oh là là, c'est de l'autre côté, parce que ça se tient des deux côtés. Hein, si tu veux pas que ça. Soit plus à gauche qu'à droite. Quoique moi, à gauche, j'aimerais bien, là, je le dis souvent. Mais l'équilibre. Hein, on est à cheval, l'équilibre. Ça va bien, hein, l'équilibre. Il faut se tenir. On sait pas, il peut se rebuter. Tu peux monter. Non, tu peux continuer, puis lui, il est plus là, là. Ben, il est encore là, mais toi, t'es en avant. Et puis, donc, il me dit, de l'autre côté, il y a quand même une carie. Oh non. Et à côté de la carie, à côté de celle qui tient de la prothèse, on doit malheureusement la retirer. Je dis, oh, là, je voyais des sous s'accumuler. Mais c'est un gars honnête, vraiment, j'ai rien à dire. Il est formidable parce que, bon, on n'a pas fait l'intervention. Je me suis comme remonté sur ma chaise. Oh, ben, pas de problème. Vous me direz comment ça coûte. Mais moi, vous le payez avant. Moi, non. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais il m'a bien mentionné qu'il préférait me remettre avant que je quitte les coûts que cela allait malheureusement me retirer de mon porte-monnaie. Donc, 600$ pour deux petits plombages très minus, mais. La dent qu'on va arracher est assez rock'n'roll, puisqu'elle elle est reliée directement au sinus. Comme mon père s'est fait surgeler là, pour arracher les... Mais moi, c'est la dent qui va s'en aller. Au mois de septembre, bientôt. Je vous dirai pas quand, bientôt. Si je parle comme ça, ça sera pas de ma faute. Si mon émission ressemble un peu au ça Sylvestre, c'est pas. Ensuite, rapidement comme ça. Alors, puis c'est Thomas Dutronc en passant, le fils de Jacques Dutronc. Mercredi, il y avait rien. J'avais la grippe toute la semaine. Là. Jeudi, je m'en vais voir la notaire parce que ma mère est décédée, vous le savez. Bon. Et donc, mais il reste toujours des choses à faire. Donc, il faut ces gens-là font des recherches pour vérifier si elle n'a pas des testaments, là, quelque part. Je suis certain, madame la notaire, qu'il n'y en a pas. On était mère et fils, amis, confidents. Je l'ai jamais vu partir en Suisse, madame, et revenir 3 jours après, là. Et ça fait que t'as pas le choix, tu dois passer par là. Tu dois te faire arracher en même temps. Ah oui, ça m'a coûté 600$, je vous l'ai dit, mais pas encore, là, mais pour mon problème dedans. Mais pour la notaire, ça m'a arraché 800$ pour vérifier s'il n'y a pas des testaments un peu partout sur la planète. Là, là, je vous le dis, là, si j'entends parler que les Elohim ou que les Intla avaient signé un pacte avec ma mère pour diviser certains biens, je serai dans la schnoute. Parce que ce sera la première fois au monde que le notaire aura dans son dans cette feuille confidentielle, feuille, non pas confidentielle, mais élitiste, que ça n'a rien à voir avec la confidence, élitiste, le fait que ma mère avait délégué ou légué certaines choses à des intras ou à des Elohim. Pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est qu'un Elohim, c'est un extraterrestre selon le mouvement raélien. Et puis, si... Ah oui, alors vendredi, je m'en vais voir qui? La banque pour fermer le compte de ma maman. On ferme pas un compte comme on ferme une porte, hein? Il faut savoir, es-tu vraiment son fils? Puis, as-tu le mandat de représenter ta maman? Puis moi, je lui ai dit, et là, il est tombé par terre, heureusement qu'il était assis, que ma mère étant décédée, nous ne représentons plus notre mère. Ben non, elle n'est plus là. Donc, on est des titulaires. Hey, il a jamais entendu ça. C'est une formation, il a jamais entendu ça. On a-tu du grand plaisir? On a du plaisir! Ah, une semaine de... Puis la grippe, la fièvre. Je pense que ça s'est transformé en maladie rénaldienne. Mais tout va bien sinon. Aujourd'hui... L'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises. J'aime bien dire gestionnaire. Pendant que j'ai encore ma dent, là. Gestionnaire. Une dernière fois. Non, je vais la semaine prochaine l'avoir encore. La semaine l'avoir. L'autre semaine, je vais l'avoir encore. Dans trois semaines, je vais l'avoir encore. Mais après, elle l'aura plus. L'aura plus l'argent aussi. Pour ça qu'il faut que je sois membre de CKRL avant de tout donner mon argent au notaire, au dentiste, puis la banque qui... Ah oui, on a ouvert un compte en passant pour les titulaires testamentaires. Donc, on a un compte, puis on met les scènes noires, puis... tranquillement, pour payer tout ce que la mort exige. C'est fou. Mourir, c'est fou. Non pas l'acte de mourir, parce que c'est abominable. On perd quelqu'un, on pleure, on s'arrache le cœur, on y pense à chaque jour. Et dans mon cas, doublement. Mais, pauvre petit! Non, non, mais c'est vrai. Pas pauvre petit, mais c'est vrai, doublement. Moi, je fais jamais ça d'une manière simple, hein. J'ai toujours dit que j'étais 500% excessif. Puis on m'aide là-dedans. Je pense que la vie m'aide aussi beaucoup. 15 octobre, 18 mars, 22 janvier, je ne sais pas pourquoi je dis. L'errance des errances... Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Ça a été rapidement, hein? Le canal de quotidien. J'ai un blanc. Rosa, j'ai un blanc. Hey, savez-vous quoi? J'écoutais, je vous en ai parlé d'Erita Mitsuko tout à l'heure. Là. On peut pas s'imaginer qu'une chanson a déjà 35 ans. Viens là. cette chanson a l'âge du Christ, 33 ans. Et c'est fou lorsqu'on regarde les ventes des albums du groupe Indochine, parce que c'est eux dont il s'agit. En 82, L'Aventurier a fait 250 000 ventes. Okay? Ça, c'est le premier album. Le Péril jaune, ça, c'est le deuxième opus, 265 000. Ensuite, 3, 800... attendez. 820 000. C'est bien ça, 820 000. 7 000 danses, 450 000. Le baiser, 250 000. C'est pas beaucoup, là. Un jour dans notre vie, 90 000. Wax, 60 000. Dans Staria, 130 000. Mais là, attention, Paradise, 1 500 000. Ça, c'est en 2002. De 1982 jusqu'en 2002, ils ont pris 8, 9, 10, 20 ans avant de vendre le million. 1 500 000. Alice and John, 450 000. La République des Mentors, 350 000. Et Black City Parade, 230 000. 13, c'est leur 13e album, 350 000. Et c'est pas parce qu'ils ont eu un grand succès là, en 2002 avec Paradise qu'ils ont enchaîné rapidement. Au contraire, ils prennent autant de temps à faire chaque disque, sauf au début, 82, 83, 85, 87. Mais après 87, ils ont comme laissé l'oxygène entrer dans le groupe. Il y a eu des morts aussi à travers ça. Mais Nicolas Sirkis, c'est un gars que j'adore. C'est sûr que les albums ne sont pas... Mais dans chacun, comme disait François Truffaut, puis je ne veux pas non plus bégayer des anciennes phrases que je balance régulièrement. Dans un film, il n'y a que quelques séquences qui sont, selon lui, selon Truffaut, quelques séquences qui sont intéressantes. Donc, comme dans un album, il n'y a que quelques pièces que l'on peut garder, mais... C'est aussi une histoire. Hein? Dans une vie, on prend un disque et il nous amène et il nous réconforte. Et c'est ça l'art vivant, c'est ça la création, c'est ça la culture. Et c'est ça aussi mon amie que je vous présente aujourd'hui, Sophie Oz. Et lorsque je l'ai contactée au début, avant même que ben, je la connaissais par des amis, je croyais que, parce que la chanteuse qui me l'a proposé, me l'a dit au téléphone, Sophie Oz, OK? Je croyais que c'était Sophie Oz, O-S-E, dans le verbe oser. Mais non, c'est Oz comme le magicien d'Oz. Donc, maintenant, comme disait Francis Cabrel, je vous la propose, l'incroyable Sophie Oz. Marathon. Ben, il n'y a aucune blague là-dedans. Comment ça, une blague? Tu croyais pas? Ah, mais si, bien sûr. Bien sûr. Ben, en fait, c'est qu'on a des amis en commun. Mais oui, mais alors, c'est ça. Alors, raconte-moi, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beau, hein? C'est charmant, c'est... Oui. On sait chaleur, peut-être? En fait, c'est mes porte-bonheur. Je peux pas m'en séparer. D'accord. Mais là, c'est des micros. Eh bien, j'ai... Normalement, j'ai toujours mon trèfle à quatre feuilles. Bon, il doit être dans mon grand sac, normalement. Et c'est quoi, ça? C'est un porte-bonheur? Un porte-bonheur. OK. Moi aussi, je suis très... Moi, pas du tout, c'est une blague, parce que c'est juste des micros. Ah, c'est une blague, d'accord. Ben oui. Non, mais oui, moi oui. Si. Non, je suis pas superstitieux. Non, loin de là. Moi, j'ai besoin de mes petits rituels. Oui, je le sais. Normalement, dans le milieu artistique, il y a beaucoup de rituels. Ouais. Si la robe était noire, le spectacle s'est bien passé, le lendemain, ce sera la même robe noire. Alors, ça, je suis tout le temps en noir. Ça, par contre, ça, que ce soit du jean ou de la robe, une robe ou jean. Moi aussi. Alors, on a un point commun, toujours en noir. Été frappant comme hiver froid, toujours habillé en noir. D'accord. Même si ça attire le soleil. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Mais en tout le cas, deuil. Il paraît. Mais je pense que c'est... C'est tellement beau le noir, c'est tellement classe. Ben c'est la nuit. De un, c'est pas une couleur. Voilà, c'est vrai. C'est un ton. C'est vrai. Voilà. Ça s'harmonise avec tout. Je trouve que ça fait marginal sans aussi tomber dans le gothique. Oui, parce que le gothique, après, il y a tout un tas de rituels aussi, c'est-à-dire les bijoux, les. Exactement, les épines. Voilà, c'est ça. La musique aussi. La musique? Ben oui, la musique. Ah gothique. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais j'ai rien contre ça, hein. Ah, moi non plus, moi je suis ouvert à tout. Je porte aucun jugement, je prends, j'écoute, il y a du bon, il y a du moins bon dans tout, hein. Même dans le rap, dans la chanson c'est française. C'est ça, hein. Ouais. Mais Sophie chante, quel est ton véritable... Est-ce que tu veux garder ça comme entrée, Sophie chante? Ah non, je m'appelle Sophie Ose. Oui, c'est ça, mais parce que sur ton site, c'est Sophie chante. Oui, c'est un profil privé. OK. Et du coup, j'ai choisi ce jeu de mots, entre guillemets. Enfin, j'ai choisi ces deux mots. Parce que tu chantes, donc Sophie chante. Voilà, ça fait longtemps que j'ai choisi ça. OK. Mais sinon, c'est Sophie Ose. OK, exactement. Oui. Mais tu me connais par Sophie, par qui, en fait? Par plusieurs chanteuses, dont... Garance. Ah oui, d'accord. Garance Aubin. Tu connais? D'accord. Je les connais, mais alors, je la connais de nom. Je l'ai pas rencontrée. Facebook, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a Pauline Paris. Oui, je la connais de nom, on est amis Facebook. Mais moi, lorsque je rencontre des chanteurs, des chanteuses, je vais voir leurs amis. Et quand c'est profession chanteur, chanteuse, je vais écouter. Et si ça me plaît, ben, je rencontre. C'est d'accord. Aussi simple que ça. Ah, c'est chouette. Et les liens sont des fois très fun, ouais. Très peu solides. Mais les gens qui veulent refuser, on vient de droit de refuser, il y en a qui viennent ici avec grand plaisir. Donc, puis c'est pas non plus, c'est amical, c'est paternel, c'est ouvert sur la chanson, la création, c'est pas compliqué. C'est pas une entrevue, je suis pas journaliste. Moi j'anime, je réalise et je produis une émission de variété. Donc c'est des rencontres à deux fois. C'est ça, c'est des rencontres. Voilà. Et alors là, ça, c'est deux choses précieuses, ou deux micros. Oui. Ils sont, actifs? Ils sont tout le temps actifs. Ah, tout le temps actifs? Je ne perds jamais une goutte. tout est bon. Ah oui? Tout est bon, faut rien jeter. D'accord. Ah, oui. Et sinon, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je suis bien, là. Je redécouvre Paris. C'est ça qui est bien dans cette Pourquoi ville. Pourquoi tu redécouvres Paris? Et parce que tu vois le temps, le soleil, les lumières. Puis c'est un quartier que je connais moins. Ah oui, quartier des Abbesses. Oui, okay. Mais j'aime beaucoup. Okay. C'est dans ce quartier d'ailleurs, j'ai acheté cette robe noire que je porte aujourd'hui. À quel endroit? C'est marrant. Rue. Ok, ici, des Abbesses. Voilà. Donc je me dis, c'est une coïncidence. Mais est-ce que c'est une coïncidence ou tu y as vraiment réfléchi? Ah non, pas du tout. Ah ouais, c'est une coïncidence. Mais ça, c'est vrai. Je trouve que dans la vie, on est à. Finalement, on suit des choses inconsciemment, sans peut-être. Et c'est souvent quand il y a des signes comme ça qui s'affichent devant nous, mais eh bien... S'entrecroient. Voilà, c'est là que je me dis, on est dans ouais. Dans quelque chose de juste, en fait. Quelque de chose juste et de mystérieux. Ouais, et de mystérieux. D'inqualifiable. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça. Enfin, dans la musique aussi, je suis fonctionnante avec instinct, tu vois. Je suis mon instinct et du dans coup... Dans l'écriture aussi. Dans l'écriture aussi. Surtout ouais. Dans l'écriture. Je suis pas du tout devant une feuille blanche, pas du tout. À écrire, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Eh bien, en fait, il y a des, si tu veux, des chanteurs, chanteuses qui écrivent des paroles, mais qui ont, voilà, un peu comme de la poésie, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à écrire une histoire, mais l'écrire comme un écrivain, c'est-à-dire poser un cahier, j'en sais oui. Rien, ou sur l'ordinateur. C'est les mots qui amènent l'idée, c'est ce que tu veux. Moi, c'est la mélodie. Ah, la mélodie. Je me mets au piano souvent, ou le synthé maintenant, mais ça. J'improvise des mots et après je raconte mon histoire, mais souvent c'est... Mais le synthé, c'est intéressant parce que tu peux rajouter des instruments, donc c'est... Oui, c'est ça. Une batterie. As-tu étudié ou si tu as acheté le synthé avec le manuel et tu as suivi le manuel un peu. Ah non, mais moi, je... oui, il y a le manuel, c'est vrai, mais j'aime bien explorer quand même. Les erreurs, ça peut faire des choses extraordinaires. C'est vrai, exactement. Les erreurs. Ah tiens, j'ai mis trop de réverb, mais en fait, ça va bien. Ça donne quelque chose que je croyais pas aussi intense, aussi, ouais. Aussi chaud, aussi chaleureux. C'est ça. Et comment tu travailles les chansons? C'est la mélodie qui t'arrive en tête, et après, les mots viennent se coller tranquillement. Ou si c'est les deux en même temps, comment ça peut se déterminer une chanson pour toi? Mais c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. En fait, parfois, c'est ça aussi. Les mots viennent en même temps que la mélodie. Et soit... soit je suis au piano, et là souvent c'est vrai que c'est un rituel, parce que quand je suis à mon piano, il y a une connexion, tu vois, à l'intime, à quelque chose de profond. Donc finalement, j'improvise des mélodies, les mots viennent, ça me met dans un état un peu de transe en fait, un état spécial, un état... Et c'est assez magique, oui voilà. Un état, c'est vrai, comme un rêve éveillé, tu vois, quelque chose de très spécial. Mais sinon, en alors, général... tu es habité par quelque chose, la création. Je sais pas, c'est très étrange, mais effectivement, quand je suis au piano, peut-être aussi parce que j'ai fait beaucoup de piano petite, j'ai chanté piano aussi classique. À côté, j'ai fait du piano classique, et puis après, quand j'ai relié les deux, là, il s'est passé un truc vraiment fort. Et du coup, maintenant, je peux plus m'en passer. Quoi. Mais est-ce que ta formation classique s'est étirée longtemps ou s'est occupée rapidement? C'est surtout, j'y suis revenue. J'ai commencé par le classique, mais après j'ai fait du blues, du jazz, tu vois, je suis revenue au classique. Le jazz, c'est bien pour l'improvisation, ça donne une porte ouverte sur l'improvisation, le jazz, c'est merveilleux. C'est vrai au piano, mais en même temps, ce que je trouve au piano, c'est un mélange, tu vois, je pourrais pas dire c'est jazz, pas du tout. Non, mais c'est une école, le jazz. Oui, tout à fait, puis les harmonies, tu vois. Oui. Puis l'histoire de s'en aller, de partir, la transe, le jazz est très fort sur la transe. C'est vrai. Miles Davis, même Monk, Thelonious Monk est un homme extraordinaire qui, à cause de sa maladie, rentrait dans des situations totalement incroyables. Ouais. Il était schizophrène, donc des fois il entendait des voix, puis il jouait, puis il était interpellé, c'était quand même une folie sublime. Là. Mais ça t'a nourri beaucoup. Ah oui, c'est sûr. Et que j'arrête aussi. Quand j'ai écouté Cass Jarrett. Ok, ouais. Ah oui. Aussi, parce que lui aussi, je pense qu'il est dans un état de transe. Oui, c'est vrai. Et les pianistes, oui, j'ai écouté les pianistes, bien sûr. Et alors, j'adore, moi, Chilly Gonzalez. Oui. Évidemment, vous avez quand même des artistes formidables. Non, mais attention, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment un Montréalais, parce que c'est très nébuleux, hein. Ah, d'accord. Il joue l'espagnol, montréalo, universo, je ne sais pas quoi. Il n'était pas aussi... il a travaillé avec Feist. Oui. J'aime bien Feist oui, aussi. Oui, sublime. Et tous les deux, il me semblait qu'ils avaient travaillé ensemble, qu'ils vivaient aussi à Montréal. Non, c'est pas montréalais. Mais moi, en tout cas, les fois que j'en ai entendu parler, il était en France, à Paris. Ah oui. Puis en Angleterre. Ah non, il voyage. Mais à savoir, on ne sait pas si c'est un genre de... un extraterrestre. Oui, c'est ça. C'est ce que tu veux. On ne sait pas. Mais il est incroyable dans son premier album Piano Solo. Ouais. C'est un peu plus maîtrisé, mais sur scène, il peut s'en aller. Il sera à Québec, au Palais Montcalm. C'est une belle salle. Ils ont rénové. Le son est impeccable, sublime pour l'opéra, la musique classique, le jazz, le blues. Il sera là, puis il faut le voir sur scène. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des vidéos de live. Parce que j'adore voir les artistes. Si je ne peux pas les voir, il faut que j'aille écouter et voir les vidéos live. Ah oui. Parce que c'est la vie. Enfin, comment dire? C'est la vie. C'est ça. C'est les erreurs, c'est le spectacle vivant. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui peut prendre le crayon pour écrire? Pour écrire, écoute. Comme je pars de la mélodie à la base, c'est vrai. Mais maintenant qu'effectivement j'ai pris goût à l'écriture, maintenant je compose aussi. J'ai écrit en français. En anglais, en français. She's a girl who lives in a fairy castle. She's always dressed in gold. She's a miracle, miracle, miracle. She dreams a lot in this little castle. going to go. Qu'est-ce qu'il te faut? Vas-y. Une citronnade, moi. Quelque chose de frais. Un jus de citron pressé. Mais très bien. La même chose. Allez, un citron pressé. Oui, oui. Et c'est Chloé Mance qui m'a fait goûter ça la première fois ici même. Chloé Mance, c'est la femme d'Anne Vachon. Ah, d'accord. Elle fait Cavalier et Sœur, mais elle a travaillé souvent en duo avec Vachon. Ah, j'aime beaucoup Vachon aussi. L'écriture, ben c'est ça, c'est l'écriture ben, c'est aussi dans ses... Voilà, c'est ça. Bien sûr, il reprenait, il agençait à sa façon. Oui, exactement. Et ça, c'était magnifique comme... C'est un univers, quand tu parles de trans sur scène, il était transcendé ouais. Par quelque chose. Puis il disait aussi, ce qui est fou, c'est que quand il finit une chanson, quand il est invité, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Es-tu dans ce cas-là, toi? Est-ce que tu te sens... Oui, c'est vrai que tu plonges dans un... ouais, c'est si tu ouvres. Moi, je crois beaucoup au passage, tu vois, le mouvement, et tu passes. Y a des passages comme ça dans la vie. Alors, c'est vrai que la musique amène ça, quelque chose de très fort. Est-ce que tu recherches ça? Et je recherche, oui, certainement, parce que ce côté rêveur, tu vois, je suis une contemplative plutôt rêveuse, donc je m'évade facilement, on va dire. Même enfant et adolescente, on me dit, ah, mais tu es rêveuse quand même, enfin, on va à l'école et tout ça, je pouvais partir. Vite, contre le courant, m'ennuyer, tu vois. C'est ça. Et la musique, en fait, j'ai composé Other, c'est une chanson qui fait partie de mon deuxième album qui s'appelle Other. Tu as fait deux albums. Oui, le premier, c'est un EP, on va dire éponyme, qui porte le nom Sophieuse. Et c'était un peu comme des contes. Moi, voilà, c'est ce que j'ai produit. C'était parlé ou chanté? C'était chanté. Okay. Mais comme je me suis inspirée des contes que je. Quand j'étais petite. Ok, Grimm, entre autres, là, les voilà, de... oui, et puis un tas de contes des mondes entiers, tu vois. On me lisait quand j'étais enfant plein de contes. Et du coup, je me suis dit, moi, ce que je veux. Enfin, quand j'étais enfant, je voulais devenir soit chanteuse, soit écrivain. Oh, et du coup. Quoi casser les deux? Ben, d'une certaine manière. Chanteuse qui écrit. C'est ça, j'ai rejoint. Enfant, on a tous. Enfin, voilà, j'avais ce rêve-là. Ouais. Voilà, sans. Vraiment, et qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux raconter? La mélodie arrive, mais les paroles, ouais. Qu'est-ce que l'histoire d'amour, l'histoire des gens que tu connais, ou tout est imagé? Alors c'est vrai que c'est assez imagé. Oui, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires un peu comme des contes entre le rêve et la réalité. Ça peut être le rêve, mais parfois ça peut basculer dans le cauchemar, parce qu'il y a parfois il y a des scènes que je raconte qui sont plus sombres, des états aussi, tu vois. Pourquoi le côté sombre? Ça t'intrigue toujours? Oui, c'est ça. Mais c'est, en fait, la vie, elle est faite de ces contrastes en fait, permanents, tu vois, entre la peur, la joie. Voilà, et la musique, c'est vraiment le langage des émotions, par excellence. Donc, du coup, tu peux tellement aller loin, tu peux visiter des émotions fortes. Donc, effectivement, dans la peur, le voyage, pas les créatures, tu vois. Et puis, tu peux visiter des émotions, l'amour, quoi, enfin, l'état amoureux. Enfin, il y a tellement de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont effectivement pris des... qui ont composé des chansons d'amour, c'est vrai. Quoi, mais que c'est tout le temps différent. Ça dépend de la façon de l'écrire, exactement. C'est ça. Exactement. Et toi, quelle est ta facture? Quelle est ton étiquette? Ben, pas d'étiquette, mais disons, on peut parler de ta signature. Quelle est ta signature? Alors, c'est à toi de me le dire, Ronald. Ah, tu peux pas t'auto-analyser? Si, mais en fait, j'emploie le mot onirique, c'est vrai. Chanson onirique. Parce que là, j'ai sorti Over, mon album, en 2016, ouais. Et là je suis sur le prochain. Oui, ça fait déjà 2 ans. C'est 2 ans, voilà, mais bien, il faut du temps. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de porter plein de choses, tu vois, puis à un moment donné, voilà, j'ai une vision de à quoi ça va ressembler. Et hop là. Ça serait, oui, des chansons oniriques, plus que du rock. Merci. Non. Merci. Parfait. Donc, c'est très facile. Je la garde comme ça, merci. Donc. Donc ça va, ça te fait pas peur? Non, du jus de avec Chloé Mance, c'était peu. On continue dans la pureté. Non, mais toi, tu peux rajouter de l'eau. Hein. Ça, c'est quoi? C'est de l'eau? Ça, c'est de l'eau. Allez, oui. Tu peux en rajouter si tu veux. Et donc, c'est onirique. D'où vient ce côté onirique? C'est encore enfant, lorsque tu te faisais raconter des histoires, tu veux toujours continuer à raconter des histoires? Oui, c'est sûr qu'il y a cet amour, cette passion qui lie à l'enfance. Les contes, les histoires, la magie. C'est pour ça que je m'appelle Sophie Oz. C'est un petit clin d'œil au pays d'Oz, l'imaginaire. Tu vois, voilà, c'est pour ça que je voulais relier. Je pense aussi, ce qui m'étonne toujours, c'est ces états, quoi, ces passages, tu vois, on peut, justement, cet état où tu es habité. Les mots peuvent arriver comme ça, et souvent, quand j'improvise, d'ailleurs, les mots que j'improvise sont très reliés avec ce que je vis. Okay. Tu vois, c'est une quête permanente. Il n'y a pas de fil. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose. Et en même temps, ça reste... c'est pas réaliste, forcément, tu vois, c'est... C'est métaphorique. Voilà, c'est plus métaphorique. Ça reste un peu comme la peinture. En fait, il y a un côté un peu abstrait. Exactement. Excuse-moi de tirer les mots, ouais, mais ça m'arrive. C'est très bien. Okay. Tu trouves les bons mots. Alors sinon, je te dirai non, Rénal, c'est ça. Okay. On va se réaiguiller. Donc, c'est en fait de raconter des histoires, mais sans trop de signification pour laisser l'imaginaire envelopper tout ça et comprendre ce qu'il y a à comprendre. En fait, il y a quand même... après, j'y amène du sens, mais tu vois, comment dire, c'est pas surréaliste. C'est pas surréaliste. Ça part d'une écriture automatique, on va dire, mais après, j'ai mon histoire, en fait. Je raconte, je pars sur quelque chose, mais entre le rêve et la réalité. Donc, effectivement, chacun peut s'approprier, en fait. Oui, exactement. Une fois que tu as lancé... Il n'y a que moi qui ai les clés, un peu comme la magie, oui. Tu vois. Oui, mais tout le monde peut quand même l'ouvrir avec une double clé, avec un passe-partout. C'est accessible aussi, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu travailles depuis longtemps sur ton troisième opus là, qui se prépare? Est-ce que c'est beaucoup... Là, ça fait déjà 2 ans que l'autre est passé. En fait, j'ai composé avec la chanteuse Daphné, donc entre-temps. Donc, j'étais pas uniquement sur ton cet projet album. À toi. Voilà. Et là, en fait, finalement, ça fait pas si longtemps que je suis dessus. Et j'ai composé là des chansons en français. Et tu vois, la dernière, elle s'appelle Danse. L'autre, elle s'appelle Songe, avant-dernière. Ah. Donc, du coup, voilà, Songe, Danse. Je me dis que c'est vrai que inconsciemment, il y en a une qui s'appelle Sirène. Il y a un langage un peu, oui, un peu relié au rêve, tu vois. Ouais. Mais tout ça, c'est pas fait exprès, c'est... C'est involontaire, mais tu veux pas bloquer non plus la création. Tu veux pas censurer la création. Si c'est ça, ça reste ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Être intègre à tes idées. En fait, c'est une question de confiance, tu vois, de faire confiance à ce que tu portes en toi. Et on n'a pas, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Enfin, il y a des périodes, justement, adolescente, etc. Un peu comme un papillon, tu vois. Ouais. En fait, on se métamorphose et je crois beaucoup en ça. La vie, elle est chargée, elle est remplie de métamorphoses. Et un artiste, quelque part, moi, je sens que c'est, on change tout le temps, tu vois. Mais finalement, on a nos obsessions aussi, quelque part, parce que, tu vois, je te ramène des thèmes, là, et je me dis, ah, c'est encore ça, quelque part, ben voilà. Mais c'est autrement, parce que mais c'est autrement. Voilà. Les années ont fait que t'as macéré, t'as compris, t'as réfléchi, t'as vécu autre chose. Exactement. C'est lié au vécu aussi. On a notre patte, comme tu dis, qu'est-ce qui te qualifie, mais en même temps, tu te métamorphoses et... Lorsque tu enregistres, on sait que ça peut devenir fou l'enregistrement parce que tu ne sais plus à quel moment t'arrêter. Albin de la Simone disait, m'a dit il y a 3 ans, il dit moi je ne sais pas à quel moment c'est terminé parce que je veux rajouter un violon, je veux enlever des synthés. À quel moment que tu dis ok c'est fini, c'est en boîte, on le laisse comme ça? Alors moi je travaille surtout, comment dire, les compos, tu vois, avec le piano, donc piano-voix souvent. Et ensuite, là, l'album que j'ai réalisé en 2016, je travaille avec des musiciens, on a travaillé ensemble les arrangements. Donc c'est eux qui avaient plus la charge des arrangements. Okay. Moi, je peux entendre, effectivement, j'entends des choses. Mais là, du coup, elles évoluent, elles se transforment après coup. En même temps, c'est une chanson qui a vécu sur scène, la balle de se trouver sur disque, souvent. Oui, bien sûr. Okay. Alors donc, tu sais un peu comment ça fonctionne, tu sais comment ça va réagir, tu sais l'aboutissement, donc tu sais le son en général que cette chanson-là doit avoir. Oui, c'est vrai. Et pour répondre à ta question, en fait, ça, pour moi, c'est un... Elles peuvent changer, les chansons. Elles sont finies, si tu veux. C'est vrai que sur le disque, quelque part, il faut choisir les arrangements, etc. Mais après, elles évoluent sur scène, on peut les jouer aussi. Rien n'est figé, quoi. Mais parfois les gens, ce qui est intéressant, c'est aussi les revisiter et de les réarranger. Enfin voilà, moi je vois pas ça comme quelque chose de figé vraiment. C'est ça qui m'intéresse aussi. Sur disque, oui, ça reste figé. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. À un moment donné, effectivement, tu dois fixer ton attention avec justement cet état dans lequel tu es et aller au plus juste. Voilà. Et après, effectivement. Bah, elles vont peut-être vivre autrement après, tant mieux. Sur scène, après, c'est autre chose, c'est ah sûr. Voilà, c'est ça. Et heureusement. C'est sûr. Non, après, c'est vrai que je peux être aussi assez exigeante si la voix, c'est pas vraiment comme ça. Enfin, voilà. Ah, ok. Refaire des prises, ouais, le piano, c'est pareil. Enfin, mais en fait, en général, les premières prises sont les meilleures, donc ça, c'est vrai aussi. Ouais, parce qu'à force de le travailler, tu sens que va mettre peut-être quelque chose de moins de spontané là-dedans. C'est ça. Il y a un côté, tu sais, sauvage, un peu incontrôlable. c'est maîtrisé parce que tu l'as travaillé, parce que ça, voilà, c'est toi, c'est ta composition, mais quand tu le vis, quand tu le joues, forcément c'est comme si tu ouvrais la cage. Ah, oui, oui. Tu sors et il se passe quelque chose ou pas. Si c'est trop maîtrisé, effectivement, on l'entend après. Donc effectivement, les premières prises, en général, t'es dans un état un peu fragile, mais c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'il faut garder. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de matériel écrit ou les mélodies, est-ce qu'elles t'en gardent dans tes tiroirs ou si tu préfères faire au fur et à mesure et ne jamais ramasser trop de matériel? Oui, j'ai du matériel, mais tout ça, ça peut évoluer. Mais t'en as-tu beaucoup? En jettes-tu beaucoup? Est-ce que je jette, oui, tu veux dire? Oui. Par rapport à la création ou par rapport au matériel, tu veux dire? Mais par rapport, est-ce que tu gardes tes chansons? Est-ce que ces chansons-là que tu débutes aboutissent souvent ou si c'est des abandons? Ah si, c'est vrai, souvent, quand même. Des chansons... Bon, après, il y a de tout, tu vois, il y a des chansons que je lâche, ouais, mais... Pourquoi tu lâches ces chansons-là? Il y a certaines chansons qui ne correspondent plus à l'état... Enfin, tu vois, c'est pas assez fort, quoi, en fait, c'est pas assez... Okay. Ça t'habite pas assez. Ouais, voilà. C'était une bonne idée, mais ça n'a pas été plus loin. Oui, ça voilà. Ça peut pas aller plus loin. Voilà, c'est ça. À un moment, tu te rends compte. Mais quand une mélodie est forte et qu'elle revient, c'est comme un rappel. C'est ça. Quand ça revient, tu te dis en général, ah oui. Quelque chose. Là, ouais. Ça me titille. C'est ça. Puis les paroles arrivent quand? Et après, si tu veux, les mélodies, les paroles, par exemple, sur mon premier EP, oui, j'avais écrit une chanson qui s'appelait My Ghost. Sur un petit fantôme. Et en fait, je l'avais composé, je faisais du vélo dans la forêt, quoi, dans une forêt. Et du coup, je me suis dit, j'avais cette mélodie en tête, et puis les mots sont venus, I saw my ghost. Et en fait, voilà, c'était assez magique. Mais il y a aussi, ça peut arriver, le c'est souvent quand t'es dans le mouvement. Ah, le fantôme t'as habité? Peut-être, je sais pas, dans la forêt. Okay. Non, j'aime bien les côtés mystérieux aussi. Et la nature aussi est inspirante, tu vois. T'as un côté de Tim Burton, un peu le réalisateur Tim Burton. Il y a de la forêt, il y a du mystère, il y a du noir. Est-ce que tu connais Tim Burton? Oui, bien sûr. Ah, t'es un peu dans cet environnement-là, un peu sombre, un peu... Des créatures, ouais, ouais, exactement. Des choses un peu étranges. Rien de trop... c'est pas trop normal, là. C'est entre le monstre et le... C'est ça? Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Lynch, dans un autre registre. Ah, David Lynch, ah oui. Parce que Mulholland Drive, tu vois... Même en musique, est extraordinaire, c'est exactement. Ah. Ça m'emporte, tu vois, c'est... Alors toi, c'est des choses qui sont plus ou moins claires. T'aimes bien le nébuleux, t'aimes bien la note du nébuleux. J'aime bien ce qui est suspendu aussi. Ouais. Ce côté aérien, mais en même temps, là, récemment, j'ai composé une chanson qui est un peu... qui revient parce que j'ai commencé à chanter, j'ai chanté beaucoup de blues, de soul, de jazz. Et tu parlais de Miles Davis, de Nina Simone par exemple, j'aime beaucoup, tu vois, tes chansons. C'est une de mes préférées. Ah ouais, elle est extraordinaire. Et le côté finalement très terrien. Et ta James là-dedans. Ah ouais, ouais, j'aime beaucoup le blues. Last, c'est merveilleux. J'aime beaucoup le blues et les vieux bluesmen aussi, tu vois, penser, il y a quelque chose de extraordinaire, monterrien. Exactement. Donc. J'aime bien aussi les choses éthérées et puis c'est un mélange parce que là justement j'ai composé une autre chanson en anglais qui s'appelle Like a Stranger. Et est-ce que tu maîtrises bien l'anglais? Écoute, je fais très attention à la prononciation, etc. Et bien sûr, oui, j'ai travaillé l'anglais beaucoup dans la chanson en fait. C'est vrai que je ressens et je trouve que c'est formidable d'étudier les paroles de chansons parce que tu as l'impression de rentrer dans l'âme quelque part. Tu vois, dans l'âme, dans la culture, quand tu écoutes des chansons, les Beatles ou Supertramp, j'adore Supertramp par exemple. Plein de choses. Progressif. Oui, j'aime beaucoup le rock progressif. Mais qu'est-ce que tu fais choisir une langue dans la musique? Est-ce que c'est la musique qui a une langue aussi qui te titille? Ça, on dirait que c'est une mélodie anglaise, c'est une mélodie francophone. Exactement, c'est exactement ça. Ah, mais quelle ambiance, t'as vu, Rénal? Alors, eh bien, je ne peux pas te dire parce qu'il y a plein de bruit. En fait, c'est exactement ça. C'est que la musique, elle appelle une langue. Tu vois, et alors c'est vrai que, évidemment, je suis française et le français, c'est ma langue maternelle. Mais il y a des musiques comme ça où tu as envie de. Je sais pas, l'anglais, il y a un côté sauvage, il y a un côté tu lances, tu exprimes. explore la voix et je trouve que dans la puissance, j'aime beaucoup utiliser l'anglais. Parce que justement, les envolées un peu lyriques, un peu rock, un peu. Et français. Ben voilà. C'est la joie. Allez, on va commencer avec vous. Déjà parlé du français. Oui, oui, exactement. Mais le français, oui, c'est. Je pense à une. Je pense à une chanteuse que j'aime beaucoup, ça s'appelle Lassa, justement, Lassa oui. Dessela. Qui elle, je. Lassa, tu parles ? Lassa, exactement. C'est oui, c'est ça. Je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait et je pense qu'elle se. Je l'imagine comme ça, enfin, je sais pas si elle faisait ça, mais. Tu vois, de chanter en anglais, de chanter en espagnol, mais je pense que c'est la mélodie aussi, la musique qui l'a amenée à choisir telle ou telle langue. Et là, c'est la nostalgie, c'est quelque chose d'assez prenant. Ouais, exactement. C'est du déchirement. Ouais, exactement. Écris-tu plus quand t'es triste ou heureuse ou peu importe? Ben, oui, en fait. Comment dire, dès que tu sens qu'il y a quelque chose, je sens que quand je suis habitée par une émotion, peu importe si elle est triste ou elle est, tu vois, c'est juste que tu sens, voilà, là je sens que je sens quelque chose, enfin, moi je l'exprime, mais après, que je sois triste ou gay, ça peu importe. Est-ce que tu as improvisé sur scène ou tu suis vraiment ton calme pour te dérouter toi-même? En fait, sur scène, ce sont des chansons quand même que je compose avec des mélodies, si tu veux, qui sont. C'est pas de l'impro total, évidemment, c'est pas de l'impro, c'est pas du. Mais par contre, comment dire, j'aime bien parfois faire chanter les gens, tu vois, sur certains passages. Mais ça, c'est bien parce que le public adore. Oui, mais c'est vrai, parce que le chant, c'est tellement libérateur. Alors, justement, l'histoire du fantôme, je leur fais faire des ouh, tu vois. Donc, parfois, il y a des ouh. Tout petit, des enfants ou des gens, des adultes, voix, des voix féminines d'un coup qui arrivent. Ouais, là, c'est ça. C'est très rigolo, c'est très chouette. Et puis, comment dire, oui, il y a des moments, mais justement, cette chanson, elle a changé la fin. Je me suis dit, au dernier concert, je vais terminer sur leur ouh, tu vois, alors que j'avais fait autrement auparavant. Mais c'était tellement beau à ce moment-là. Tu as gardé tac, j'ai gardé. Ouais. Et en plus, quand tu inclus le public, c'est déjà gagné d'avance. Un public qui est là, qui écoute des chansons, c'est bien, mais quand ils sont à même le spectacle, quand ils s'incluent dans le spectacle, ben là, ouais. Ils sont quand même assez contents de faire une union avec toi et de chanter. C'est vrai, c'est vrai. C'est très beau. J'ai fait des interventions aussi à l'hôpital Necker. Tu sais, à Paris, c'est l'hôpital des enfants malades, en fait. Oui. Et parfois, là, je les ai fait chanter il n'y a pas longtemps, et c'était magique. Ça, c'est la musicologie, c'est ça? Non, c'est j'interviens en tant qu'artiste, en tant que musicienne, okay. Et on chante, je leur fais chanter des chansons. De ta composition, de tes compositions? Ça peut être des reprises, des compos, l'histoire du fantôme, là, justement, là, okay. Alors ils ont fait des « ouh », et puis il y a des enfants qui sont malades, mais ils ont une force de vie mais tellement... Mais c'est difficile de travailler dans ce milieu-là? Je trouve ça très beau. Non, non, au contraire, je me dis qu'on a tous, on porte en nous une force de vie et que justement, il y a des enfants malades qui en ont 10 fois plus que certains qui ne sont pas malades. Cancer, c'est quoi? Et puis il y en a qui ne s'en sortiront pas. Exactement. Évidemment, on sait ça. Mais justement, c'est la vie est tellement précieuse et justement, le mouvement, la musique, ça fait partie de... Et quand tu sors de là, tu te dis, je suis quand même chanceuse d'être en pleine santé. C'est vrai. C'est sûr. Aujourd'hui, quel... Ouais, mais c'est tout le temps... C'est tout le temps comme ça quand tu es là, Rénald. Ben, assez souvent, oui, oui. Again and again. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Aussi comme libérateur, ça t'aide à fonctionner, à vivre, autant que les gens qui viennent te voir et qui sortent d'un concert heureux, qui prennent le métro, ils repensent au concert, ils sont des fois des rictus, ils disent « Ah, c'était merveilleux ». Ils ont oublié. Est-ce que toi aussi, tu prends plaisir autant que le public? Écoute, alors ça, je suis vraiment heureuse, mais sur scène, c'est sûr, c'est un état... C'est un état très particulier, c'est quelque chose que tu peux pas retrouver en dehors. Et en plus, il y a tellement de préparation quelque part, c'est fou, une heure et demie, ou des petits... Enfin, tout dépend des spectacles, mais tu passes des heures à explorer, etc., à mettre en place les spectacles, et une fois que c'est fait, c'était une bulle. Qui sort du quotidien, mais qui... une bulle, quoi. Tu fais combien de concerts à peu près par année? Écoute, ça dépend. Là, je me suis lancée pas mal en solo. Okay. Donc là, régulièrement... Piano-voix. Assez régulièrement. du coup, là, j'étais sur le projet de la chanteuse Daphné. Donc, comme je te dis, ça fait pas longtemps que je me relance sur mes propres spectacles. Mais lorsqu'on voit une femme au piano, on pense à Barbara, on pense à Juliette. Bien sûr. On pense à des gens qui sont Véronique Sanson. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai quand même été beaucoup plus touchée par Barbara. Barbara, c'est vraiment une femme pour moi extraordinaire. Je ne pouvais pas l'écouter, c'est vrai qu'elle me touche tellement. Je fais partie de ces gens-là qui sont capables de pleurer en écoutant une chanson. Et elle avait ce côté-là, ouais, déchirant. Ce côté oiseau noir, un peu, avec elle était en noir aussi. C'est ça. La grande dame. C'est ça. Tu fais des reprises sans doute de Barbara? Non, jamais. Je n'ai jamais réussi. Alors, c'est pas que je n'ai pas réussi, je n'ai jamais essayé parce que tu peux pas pour moi, c'est intouchable. Okay. Mais en fait, peut-être que, je ne sais pas, un jour, peut-être. Non, j'ai repris des morceaux de Radiohead parce que j'aime beaucoup Radiohead. À quelle époque? Alors là, c'était. Je ne sais plus si c'était Hell to the Thief ou. C'est ce morceau Fog. Je ne sais pas si tu le connais, Fog. Je crois que c'est OK Computer. C'est un morceau plus ou moins, je ne sais pas s'il est caché. Électrique. Il est piano-voix. C'est vraiment un morceau particulier, piano-voix, très très beau. Ouais. Pyramid Song aussi. Voilà, quelques morceaux. En français, c'est vrai que j'aime beaucoup Bachung. Peut-être que je reprendrai, je me le réserve pour plus tard. Ouais. Mais j'ai beaucoup exploré la musique anglo-saxonne, donc pas trop justement de chanteuse, chanteur. Mais là, tu prépares un album. Est-ce que tu as presque tout ton matériel ou c'est juste des balancements? Là, on va dire j'en suis au 3/4. Ok, oh, presque terminé. Pas encore. Il reste encore des chansons. Il reste pas mal de choses, okay. Mais. As-tu fait des maquettes? J'ai les chansons, on va dire. Mais as-tu fait des maquettes? Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Mais là, il te reste encore des chansons à peaufiner ou à écrire. Oui, c'est ça. Combien de chansons encore à écrire? Je dirais, il m'en reste 2-3. Tu veux faire 10 ou 12 chansons? C'est ça. En fait, si tu veux, là, justement, c'est vraiment la longue. C'est-à-dire que là, je suis dans cette interrogation. Est-ce que je. Il y a l'anglais, il y a le français, okay. Donc lesquels choisir en anglais, lesquels, tu vois, par est-ce rapport qu'on va mixer ces 6 ou 5 voilà, 5 ou 4... c'est ça, exactement. C'est un équilibre que je suis en train de chercher. Mais tout chanteur, chanteuse se confronte à ça, l'ordre des chansons. Ah oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas... As-tu déjà une idée de celle qui va être au début et celle qui risque de fermer l'album? Eh bien, c'est vrai que ça, ça reste, je pense que ça sera une chanson en français au début, mais tu vois là, je... Ah, mais tu sais pas laquelle? Pas encore. Ça peut être une chanson à venir qui est pas encore... Oui, voilà, j'attends encore un peu, parce que la vision, elle commence à être là, mais voilà, comme je te dis, il faut quand même du temps. Il faut laisser le temps... Voilà, c'est ça. Quand tu l'as complètement cette vision, là, à ce moment-là, tu fonces. Et là, elle est encore à compléter. Es-tu en mode fébrilité parce que là, l'album, tu travailles un peu comme un enfant, il est par gestation. Est-ce que c'est un moment fébrile ou un moment où tu es trop concentré pour sentir cette fébrilité-là? Ah, c'est une bonne question. Un moment fébrile. Mais c'est un moment, c'est vrai que tu portes des choses et à un moment donné, non, je sens que je suis capable de les porter encore. Ok. Tu vois? Mais effectivement... Tu n'étais pas prête à coucher. Ah oui, c'est sûr. Okay. Pas encore. Mais c'est pour ça, je pense que... Et effectivement, t'es un peu fébrile dans le sens où là, vraiment, t'en as vraiment besoin, à mon avis. Là j'en suis pas là. Non. Okay. Disons que ça sort, c'est que ça existe, bien sûr. Travailles-tu avec un groupe? Alors là, je suis en train de reconstituer, si tu veux... J'ai travaillé avec un groupe, avec Sub Brother. Ouais. Et puis là, comme je reprends mes noyaux, piano-voix ou synthé-voix, je suis en train justement de chercher, de réfléchir aux arrangements. Et donc, ça amènera à d'autres instrumentistes, je pense. Okay. Que tu connais ou que tu vas demander leur aide? Est-ce que tu les connais? Il y en a que je connais, oui. Okay. Donc, c'est comme des amis sur qui tu peux compter? Oui, bien sûr, il y a des amis sur lesquels on peut compter. Mais là, encore une fois, oh non, je ne vais pas dire trois quarts. En fait, trois quarts, oui, par rapport aux chansons, il n'en reste pas beaucoup. Mais il y a du travail à faire au niveau des arrangements, tu vois, au niveau du choix. J'aime beaucoup les instruments un peu étranges comme les ondes Martenot ou la scie musicale ou tout ça. Alors, je sais pas encore, mais il y aura un côté plus chanson sur cet album. Il y aura des chansons françaises. Alors qu'auparavant, j'ai jamais composé de chansons françaises sur mes précédents albums. Donc c'est pour ça que c'est si important pour moi, peut-être, parce qu'il y a un côté, tu vois. Est-ce que tu veux rester avec le même groupe durant tout l'an commun, ou si tu veux changer quelques musiciens? Pour chaque pièce, parce que là tu vas. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'aurai toutes les chansons, que tout sera déterminé, là effectivement je pourrais dire voilà, il y aura tel instrumentiste. Mais encore une fois, tu sais, quand tu composes et que tu arrives en studio avec les musiciens, on peut faire un tas de choses, peut rajouter tel. Et après sur scène, voilà, si on entend quelque chose de symphonique, on va pas ramener un orchestre symphonique, tu vois. Ça serait bien, hein, mais. Mais en studio, on sait qu'il faut que ça roule parce que ça coûte très cher, c'est pas donné. Donc, on peut faire un tas de choses, tu vois, mais après sur scène, tu es obligé de réduire à quelque chose d'humain, quoi, on va dire. Mais bon, je vais essayer de. Je veux pas faire quelque chose de compliqué non plus. Okay. Je vais faire quelque chose de plus direct encore même. Ravda était assez tourné vers un rock progressif, un rock atmosphérique, un peu hypnotique. Tu vois, il y a certains morceaux comme Silence is Over ou Girl. C'est des morceaux plus sombres, puis avec des guitares saturées. Et là, j'ai envie de justement un album un peu plus hybride, avec des sons de tête électro, des. Voilà. Donc, tu te fais influencer de tout style. Oui, complètement. Ah, mais c'est bon, c'est bien. Est-ce que tu veux que ce disque-là ait un fil conducteur ou si chaque pièce va être autonome? Si. Un petit fil qui va relier chaque chanson ou chaque chanson n'a rien à voir avec l'autre? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur, mais par contre, c'est vrai qu'on peut faire. Je m'interroge aussi sur l'arrangement. Parce que l'arrangement peut amener effectivement des tableaux différents. Et c'est intéressant aussi d'arranger d'une certaine manière une chanson, puis très différemment une autre. Et donc, est-ce que c'est beaucoup de travail, un disque? Est-ce que ça t'implique énormément? Oui, c'est beaucoup de travail. Ah oui, énormément. Et tu veux pas non plus manquer, parce que règle générale, ce qu'on loupe, c'est à la réalisation. Tu veux rien louper, donc tu genre à vouloir maîtriser les structures du disque, toute la façon de faire de l'album. Parce qu'il y en a qui sont moins bons à la réalisation, qui laissent ça à d'autres, à des vrais réalisateurs. Mais il y a des chanteurs, des compositeurs qui veulent avoir mainmise, parce que c'est à eux, c'est le message qu'ils veulent distribuer. Donc c'est le son qui. Toi, est-ce que tu veux toucher à tout? Alors, encore une fois, je me sens plus compositrice qu'arrangeuse. Bien que j'ai fait. C'est vrai, j'ai étudié l'arrangement jazz. Et classique aussi. Mais en fait, là, je laisse. Souvent, c'est les rencontres avec les musiciens et des musiciens arrangeurs en qui j'ai confiance pour le travail de l'arrangement. Mais je suis là, évidemment, parce que je leur dis, voilà, j'entends tel instrument, tel. Mais tu peux dire aussi que tu n'es pas d'accord de ce qui se passe. Voilà, tout à fait. Oui. C'est très important, l'habillage. En fait, quelque part, l'arrangement, ça donne. Un bel arrangement peut sublimer, si tu veux. Enfin, voilà, une chanson. Puis c'est très représentatif, c'est la carte que tu donnes au public. Ouais, c'est ça. Voir c'est un spectacle, écouter ce que ça peut donner. Donc, si tu manques la réalisation, ça ne sera pas vraiment toi. C'est sûr, mais non, je suis. Alors, je ne sais pas si. bien sûr. As-tu remarqué que depuis que tu fais de la musique, un public qui te suit, est-ce qu'il y a vraiment des fans ou des musiciens qui te suivent? Bonjour. Ça ne sera pas très long. Ah, d'accord. D'accord, merci. Donc, est-ce que tu remarques qu'il y a un public qui te suit? Oui, c'est vrai qu'il y a des, comme tu dis, enfin, je sais pas, des gens qui me suivent, ouais. Je trouve que c'est assez beau. Ça me... Bien sûr, ça te touche parce que tu te dis, tu es sur quelque chose de vrai, en fait. Mais je le fais pas pour les gens aussi non plus, je le fais... Enfin, c'est quelque chose que je porte en moi. Je vais pas dire, je vais faire ça parce que ça leur plaît. Okay. Tu vois, il y a ce côté... Oui, je comprends, ok. Non, mais voilà. Ça doit te toucher de voir qu'il y a un suivi, il y a des gens qui exactement. T'attendent. Exactement, ça c'est très touchant, oui, bien sûr. C'est très beau et... Oui, bien sûr, il y a ça. T'as raison. Et... Tu es médium, en fait? Non, pas vraiment. Mais c'est souvent ça, les gens qui aiment un artiste vont suivre. Ouais. Mais surtout que chacun a son style. C'est ça, exactement. C'est ça, tu portes quelque chose et ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Mais en même temps, moi je suis intransigeante là-dessus, je vais pas... Comment dire, s'il y a quelque chose que je change, je vais le faire, même si eh bien, il y en a qui n'aimeront pas ou d'autres qui aimeront, tu vois. As-tu déjà un peu visé à quel moment l'album va sortir ou t'es encore trop dans le tumulte de la création? Oui, c'est encore le tumulte, mais on va se revoir peut-être une prochaine fois et okay. Je te donnerai... Tu vas voir la pastille. Alors, c'est en 2019. Voilà, je t'enverrai, comme tu vois, un petit avant-goût. Oui, mais là toi, tu as déjà deux albums. C'est ça. Qu'on peut diffuser sans problème. Oui, ah oui, complètement, okay. Oui. Alors, tu vas m'envoyer ça par WeTransfer ou... Oui, bien sûr. OK. Est-ce que c'est en point Wave? Parce que moi, je fonctionne uniquement en Wave. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai Wave, okay. Bien sûr. Okay. Je te remettrai mon courriel, comme ça tu vas pouvoir... Et j'ai des petits cadeaux pour toi. Ah, ok, ben c'est ça. Alors tu lis ça, les albums? Ah, mais oui! Ah, ok, bon, tu m'en fais parler pour rien. Avec du citron. Ah, oui, c'est ça. Oh, merci. Là, je te montre l'intérieur, quand même. Parce que là, sinon, le temps d'ouvrir... Ah oui, je l'ai vu sur ton Facebook. Voilà. Et puis, le premier qui... Alors là, tu es l'un des rares, parce qu'il n'en reste quasiment plus. OK. Il est introuvable. Ah, donc, parfait. Alors, c'est une pièce de collection. Exactement. C'est le tout premier, on va dire. Et donc là... Lui, c'est le premier, lui, c'est le deuxième. C'est ça. OK. Ah ben, merci. Du coup, le troisième, eh bien... Écoute, ben, c'est à suivre, c'est un nouveau bébé. C'est ça, exactement. Et j'ai c'est un nouveau... Un nouvel opus. Oui, j'aime bien, oui. Opus, oui. Et l'année prochaine, peut-être que tu me diras que ce sera un spectacle et j'irai te voir. Alors, justement, c'est un spectacle très important pour moi. C'est ma carte blanche. Okay. Un spectacle que je fais le 21 juillet à Paris Story. De quoi? Okay. Donc c'est au 11 bis rue Scribe, à côté, là, à Paris, dans le 9e, à côté de l'Opéra Garnier. Okay. Et donc, il y aura Edouard Barrow, un artiste que j'aime beaucoup, en première partie. Et puis mon spectacle, et j'inviterai les artistes que j'aime aussi. Ah, c'est bien. Une carte blanche. Donc il faut que tu restes là pour longtemps. Eh non, je peux pas, je m'en vais dimanche, malheureusement. Mais oui, ah, le temps presse, malheureusement. Mais le Canada, comme j'ai dit, j'aimerais bien aller contempler les paysages aussi, ça doit être... C'est merveilleux. Québec, c'est mieux. Ces étendues, voilà, ce que j'aime, moi, c'est les étendues immenses, qu'elles soient glacées ou... Les grands espaces. Les grands espaces. Ça te donne quelque chose de très... C'est vrai. J'espère te voir là-bas. Ben, tu me le diras, puis j'irai te faire manger de la poutine. Un mec québécois. Peux-tu prendre des photos pour placer ça? Écoute, oui. Avec le son. Alors, je n'ai pas de. Pardon? Je n'ai pas d'appareil. J'ai tout ça, ne t'en fais pas. Ben, oui, en fait. Ben, là, j'ai tout ce qu'on veut. Parfait. Bon, la Coupe du Monde, je la suis. Ah, c'est parti. On a regardé le match, j'ai dit on va perdre. Ah, en fait, il faut qu'on se prenne tous les deux. Mais là, attends, parce que moi, je le pose. C'est bon? Ok. On y va. Clairement, elle me dit que c'est ça. Ah, t'as pu, je l'ai fermé. Bon, c'est bien. On y va. Tu veux qu'on demande à. Non, pas du tout. Non, voilà. Parfait. On y va, ok. On va en prendre quelques-unes puis je choisirai après. Ah, mais tu les as déjà vues, je pensais, sur Facebook. Je ne sais pas. Non, ok. Tu sais pas si tu les as vues? Non, j'ai. Ok. J'ai vu, si, j'ai vu des photos de toi et quelques chanteurs. Voilà. Ok, la dernière. Excellent, merci. Écoute. Et ça fait plaisir, c'est moi qui paye. Ah, le citron pressé, mais c'est oui, mais magnifique. En plus, on n'a pas fait de bizarrerie avec notre visage, hein, quand on voit ça, c'est... Oui, on est, comment dire, ça y est, on est tout pur, tu sais, l'intérieur. Ils disent que c'est très bon, mais ça brise les mailles des dents. Et ça quoi, tu dis? Ça brise les mailles des dents. Ah! Tu dois pas te brosser les dents, tu dois attendre une heure avant de te brosser les dents pour avoir plus. D'accord. Mais ça nettoie l'intérieur, c'est vraiment un grand ménage. Sinon, hey, c'est mon troisième aujourd'hui. Sinon, écoute, un verre de vin la prochaine fois. Ah oui, ben oui. Parce que quand même... Et parce que moi, j'ai encore deux rencontres, comme je veux pas... je veux rester quand même assez... Mais c'est bien, tu vois, avec moi, là, tu étais sur le jus de citron. C'était très sain. Et puis, c'est bien, c'est bien. Mais je m'attendais pas non plus à me souder avec toi. Je voulais pas, je mais écoute, il est quand même tôt en même temps. Hein. Oui. Prendre du vin, etc. La bière, c'est pas trop mon truc à 5h de l'après-midi. Ok. Es-tu une fille festive? Comment? Es-tu une fille festive? Festive, ça, oui, ça m'arrive. C'est sûr, mais festive, je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui me qualifie, tu vois. Mais c'est pas, c'est peu, garder le contrôle. Un peu rêveuse. En tout cas, lâcher des émotions quand on est dans la joie et ouais, ça c'est bien. Mais en restant zen quand même. En n'étant pas déplacé. C'est ça. Oui, peut-être, je ne sais pas. Dit, hein, c'est bien. Toujours dans le respect des autres, en tout cas. Ah oui, OK. Okay. Non, mais sans tomber non plus dans l'excès. Oui, voilà, tu vois, vraiment dans le plaisir, et effectivement dans le respect, dans le partage. Oui, et les spectacles, c'est quand même aussi une fête. Oui, effectivement. Oui, mais une fête, c'est pas une fête, c'est une fête. C'est ça, oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a certains artistes qui, eux aussi, peuvent se moindre. C'est ça. Moi, j'en fais pas partie. Mais j'ai mes petits rituels avant. C'est-à-dire, je fais pas partie. Là. Je peux pas boire, moi, avant. Avant un concert, je ne peux pas boire. Après, oui. Après, oui. Pendant jamais. Jamais. Non. Ben, parce que tu veux garder la paix. Je veux rentrer dans mon hypnose sans. Dans mon état, tu vois, dans cet état naturel spécial, mais... Mais des fois, l'alcool favorise cette hypnose-là. Ça dénature. Pour moi, ça me dénature. Okay. Et tu sens moins à l'aise, surtout que t'as un public dont tu ne veux pas le décevoir. Oui, mais en même temps, il y en a qui peuvent boire un petit verre, de, tu vois, c'est pas gênant. Mais moi, je veux vraiment garder quelque chose de tendu. Juste avant, quelque chose de... Oh, oui. Si c'était trop détendu, ça n'a aucun intérêt. Mais tu vois? Es-tu traqueuse? Oui, un peu quand même. De moins en moins ou de plus en plus? Je le maîtrise, c'est un peu comme un animal sauvage. Je le maîtrise, mais il faut qu'il soit là avant. Okay. S'il n'est pas là, c'est que justement... Ah, c'est louche. Quand t'es pas stressé, quand t'as pas de trac, c'est... C'est ça. Sinon, tu restes chez toi, sur un canapé, il se passe rien. La télévision. Tu non, pas du tout. Non, je regarde pas la télé. Ou tu chantes dans ton bain. Oui, voilà, mais c'est pas pareil. Non, mais là, il n'y a pas de public. Donc, le public, c'est important. Ouais, exactement. Et merci encore. Merci beaucoup, Rénal. C'était un vrai plaisir. Ben, moi aussi. Et c'était pas compliqué, très simple. Hein? Ah oui, c'est vrai, avec toi, là, non, je ne sais pas, est-ce que c'est ces choses-là qui te portent bonheur, qui... Oui, qui enregistrent en plus, qui ont de la mémoire. Oui, en plus, oui, ils ont une sacrée mémoire. Ah oui, une sacrée mémoire, oui. À haute résolution. Ah, merci encore. Puis en plus, ça a été difficile. On pouvait pas. Il y a des dates qui ne fonctionnaient pas. Oui, c'est comme ça. Comme tu étais prise, là, tu as pris un petit moment juste pour venir me voir. Ça m'a touché. Écoute, merci encore. Et ça me fait plaisir. Puis je vais écouter ton opus et je t'en parle. Oui. Et je te dirai à quel moment tes émissions vont être diffusées. Oui, d'accord. Chers amis, si je vous